rappelle en absence. Même quand je suis rentrée, tu prends tes distances. Je sais que j'ai fauté, personne n'est parfait. Je voulais pas fouiller ton tel, mais j'ai fait la conne, je le dis sans tabou. J'en ai fait des tonnes, sur mon dos ça pèse lourd. Le poids de mon erreur, mais tu peux m'alléger. Viens, on discute au lieu de m'abréger. Ça y est, tu m'as comprise, tu sais que j'ai honte. J'avais le moral à terre, je veux remonter la pente. Regagner ta confiance, même si ça prend du temps. Une fois que je l'aurai rattrapé chaque seconde. J'étais devenue parano, donc j'ai voué des SMS. J't'imaginais dans les bras d'une autre, tu voyais pas mes SOS. T'avais juste à me dire une chose. Te cramer, mais je voulais pas que ça parte en fumée. Je me suis brûlé les doigts le jour où j'ai trouvé ton copine. Un brasier dans notre foyer, j'ai pas pu stopper l'incendie. Je voulais me faire du mal pour être mieux dans ma peau. C'était contradictoire, j'étais devenue une autre. Ça y est, tu m'as comprise, tu sais que j'ai honte. J'avais le moral à terre, je dois remonter la pente. Regagner ta confiance, même si ça prend du temps. Une fois que je l'aurai rattrapé chaque seconde. J'étais devenue parano, comme j'ai voué des SMS.